Une planète, des singes. Cette semaine, on a maté la planète des singes et on en parle tout de suite. Alors, McLean, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Mais là, j'ai pas le temps, c'est ça. J'ai matériellement pas le temps, c'est ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, ce soir consacré à la planète des singes de Tim Burton. Bien pour précis. En parler avec moi ce soir, qu'on entend déjà, Mickaël, bonsoir. Oh. Bonsoir. Comment ça va, Mickaël? Ça va pas mal. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment ça va, Julie? Extrêmement bien. Fantastique. Et enfin, Greg. Bonsoir, Antoine. Comment ça va, Greg? Super, et toi, Antoine? Ça va très bien. Bon, ben ça me fait vraiment plaisir. Très, très bien. Ouh là là là, mais que se passe-t-il dans le studio? Ce soir, on parle de la planète des singes de Tim Burton, sorti en 2001, de 110 minutes, avec Mark Wahlberg, Estella Warren, et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Dans un monde où la liberté n'existe plus. Où je suis? Qu'est-ce qui se passe ici? Sortez-les! Et nettoyez-les! La violence fait loi. On se lève en présence de son maître. Les puissants règnent par la terreur. Et tant que vous y êtes, ces bestioles ont une âme. Il y a une âme là-dedans. Ce que nous faisons aux humains est répugnant. Comment ils sont devenus comme ça? Comment tu voudrais qu'ils soient? S'ils te voient dehors, ils te tuent. Si on reste, on est déjà mort. Tu viens de quelle tribu? L'armée de l'air américaine. Et j'y retourne. Les humains se sont échappés. Comment on sort de la cité? Je vais te montrer. Ils ont des singes avec eux. Voilà, donc c'est la planète des singes, on vous a pas menti. Ça s'entend pas vraiment avec la bande-annonce. Qui résume l'histoire, très important, avant que j'oublie? Alors avant, j'aimerais juste faire une petite précision. En présentant le film, t'as oublié une chose, je voudrais mettre l'accent là-dessus. C'est une adaptation d'un roman de Pierre Boulle. Et il me semble que c'est aussi un excellent réalisateur, c'est les fameux films de Boulle. Oh. Ça lance très très fort. La. Celle-ci était préparée, j'en suis sûr. Non, t'es un total impro. Tu l'as deviné dans la bande-annonce. Qui résume l'histoire? Moi, pas Julie, hein, parce qu'elle l'a fait la dernière fois. Bon, bah, je mets la pression aux autres. Ah, bon, Julie, puisque les autres n'ont rien préparé. Non, vas-y, Julie. Greg, il l'a vu choisir, et Mickaël l'a pas vu. Alors, vas-y. Alors, on est dans l'espace. Il y a un trou noir, et en fait, pour aller chercher son singe perdu dans une capsule, Mark Wahlberg, Marky Mark, va décider de prendre une capsule et d'aller le chercher. Peut-être si tu racontes ça comme si c'était vraiment nul, mais je suis pas d'accord. Ah bah en fait. Non, Greg. Donc Marky Mark, il part Marky en capsule. Mark part donc, en capsule, voilà. Et se retrouve sur une planète qui se trouve être, comme son titre l'indique, la planète des singes, et donc va tomber sur une civilisation inversée où les humains sont en captivité et où les singes font la loi. Alors, génial. Idée formidable qui n'est pas de lui, de Tim Burton. Oui. Idée géniale, réalisation à chier. Je le dis déjà. Déjà, il faut préciser un truc, c'est que c'est pas un remake. C'est pas un remake de la version de 68. Tim Burton a tenu à préciser que c'était une reimagination plutôt qu'un remake. Donc, il pense que ça lui donne toutes les excuses du monde pour faire de la merde. Voilà, tant mieux pour lui, c'est bien. Voilà. Alors, moi, je suis ultra vénère là-dessus, parce que je trouve pas ça si mal. Ah, on a cru comprendre. Oui, mais en fait, comme t'es le genre de personne qui aime Wild Wild West, ton jeu a plus grand intérêt, Greg. Et alors, c'était un bon film. Moi, je le dis clairement, je le dis vraiment officiellement, je pense que je me suis jamais autant ennuyé pour 2 heures de perdu devant un film que devant ce film là. Putain, mais c'est incroyable. Et c'est en compétition avec Les Petits Mouchoirs que j'avais déjà vu. Là, ce film là, je l'avais vu, franchement, au moment où il est sorti au cinéma. Mais si, mais infernal. Et j'avoue, putain, mais je suis passé en vitesse accélérée au milieu du film. Je pouvais pas le finir. Je suis fois 1,5, c'est-à-dire que ça va quand même assez vite. En fait, je sais pas quoi dire parce que je suis partagé entre le fait que regarder un film à l'accéléré, je suis plutôt content que tout se passe. Et en fait, je suis pas vraiment content que ça soit sur ce film-là. Que c'est... Ah, mais ce film est une merde. Et moi, c'est le film que j'ai plus kiffé. Mais non, il est vraiment bien. Il y a des concepts qui sont abordés avec les putains de singes. La planète des singes, c'est un truc que j'adore. Et ouais. Mais t'es pas trop triste que ça mais soit Greg, pas aussi bon que la version en fait. Genre ça t'excite, mais ça chie quoi, le film est une... Non, non, moi je trouve qu'il y a des concepts qui sont abordés. Le messie, le singe qui arrive, les trucs... Tout est cohérent en fait, ça se tient en fait. Faut de l'avoir vu en accéléré, est-ce que tu l'as vu avec de la drogue? Parce non, que... non plus, le truc c'est que ce truc se tient en fait. Avec les, mais les rien n'est cool, rien n'est cohérent, c'est tout, ce si, film, c'est cohérent, l'incohérence, c'est film. Alors, l'incohérence, le film. Commençons à parler de cette histoire et de ce film qui commence, donc, on est dans une navette spatiale, on sait pas trop en quelle année contre, on est. Juste avant, attends, est-ce qu'on peut parler? Oui, vas-y, Mickaël. En fait, moi, j'ai pas trop d'avis, je suis un peu emmerdé parce que, encore une fois, j'ai eu une mésaventure avec la bibliothèque. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai emprunté le DVD et en fait, j'avais, un DVD de La vie privée des animaux de Patrick Bouchitès. Bah, c'était sympa, j'ai passé un moment, j'ai beaucoup ri, hein. Il y avait des singes qui parlaient, enfin, c'était drôle. Mais du coup, j'ai pas vu le film. Le film qui s'ouvre sur un, moi, j'ai écrit, c'est mes notes, hein, j'ai écrit générique caca. Le générique est un enfer. C'est, pour moi, c'est une des rares BO de Danny Elfman qui a chié. Ouais, moi d'ailleurs, je me suis dit. Mais elle est pauvrissime. Moi, je me suis dit que c'était pas Danny Elfman et je l'ai dit à la personne avec qui j'étais, je fais, non, oh, c'est pas Danny Elfman. Si, en fait, c'est juste, ça s'est écrit noir sur blanc devant moi, quoi. Ça ne ressemble pas du tout à du. La personne avec qui était, c'était le film, parce que c'est écrit sur le film. La personne qui était à côté de moi. Excusez-moi du manque de culture, il a fait quoi, ce monsieur? Danny Elfman, bah, c'est le compositeur de Burton, qui de a Burton. Fait des grandes choses. D'accord. De très grandes choses. On en parlera plus tard. Le ton est donné tout de suite parce que t'as Mark Wahlberg, astronome, beau gosse. Non, mais attends, faut dire quand même que le film s'ouvre sur une séquence avec un singe ingénieur qui conduit une soucoupe volante. Déjà, je me suis dit méfiance. Méfiance, on n'est pas de la partie. On n'est pas de la partie. On n'est pas bien parti. Ah oui, on n'est pas de la partie. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que ce singe, il fait des trucs méta complexes, il appuie sur des boutons, il y a des symboles, mais il n'a pas le langage. C'est-à-dire que, en termes de, tu vois, c'est pas vraiment logique. Parce que, une fois qu'il sort du truc, il a fait tout son programme d'ingénierie et tout, il est dans les bras de Mike Wahlberg et c'est un débile, il veut des pop-corn, tu vois. Oui, mais parce que c'est un singe. Mais oui, mais parce qu'on l'a habitué. En fait, tu aimes les singes. Attendez, les gars, je vais me ranger du côté de Greg et dire qu'en fait, on lui a appris à reproduire des séquences et que c'est pour ça qu'il sait les faire dans la simulation et qu'il est neuneux dès qu'il sort de la. Voilà. Mais ça n'empêche que c'est quand même complètement con ce qui va se passer. Parlons-en. Oui, non, oui. Non, arrêtez, c'est cohérent ce film. Alors, donc, on est d'accord. Donc, ils élèvent des singes pour pouvoir s'en servir comme des cobayes et les envoyer donc dans des trous noirs, là alors, où ils peuvent pas et ça, envoyer pas les humains. C'est cohérent. Donc, non, mais très bien. Jusque là, tout va bien. Des souris, peut-être, à leur place. Jusque là, tout va bien. La planète des souris. L'homme est devenu l'esclave de rongeurs de 15 cm. Alors, je veux bien, jusque-là tout va bien, on envoie un singe dans ce qui ressemble à un espèce de trou noir, d'ailleurs on sait pas en quelle année on est. Enfin, c'est pas un trou noir d'ailleurs, c'est. Si, c'est écrit au début du film, c'est 2029. Ouais. Attends, on est déjà avec le trou noir là? Non, c'est Julie qui fait une éclipse. Ok, vas-y. Une éclipse. Elle a éteint la lumière. Une éclipse de scénario, voilà, il y en a plus. Non, à moins que quelqu'un ait des choses à dire. Moi j'ai une mini chose à dire, ce qui est avant, moi je vais faire mon Greg, et je cite Greg d'Avatar. Sur l'épisode d'Avatar de 2 heures de perdu. Il n'a pas joué dans Avatar. Ça c'est après. Non mais le vaisseau, il est cheapissime. Non, enfin, c'est faux. Le vaisseau, c'est des murs blancs. Ah, tu vois, c'était à la base, il y a eu un décor et le Tim Burton, il a fait, oh, ça va pas, remets-moi un coup, une sous-couche blanche. Mais en même temps, il y a un côté un peu cheap dans ce film, c'est vrai. Mais je trouve que c'est plutôt bien, parce qu'en fait, il reste dans l'esprit de l'ancien Planète des Singes, parce qu'il n'y a pas une image de synthèse, c'est que des costumes. Ça c'est bien. Ouais, ça, c'est ça je trouve ça plutôt bien. Voilà. Ça c'est bien. Bah, moi, je trouve qu'à la fin, je vais réussir à vous convaincre que c'est un bon film. Je suis pas sûr. Ok. Moi aussi, je suis pas sûr. Moi, il y a un truc, bon, même si c'est un bon film, pour moi, il y a un truc qui est un peu merdeux, c'est que il y a le super chercheur, là, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Ouais. Il est là, il appelle ses potes. T'as pas l'air convaincu. C'est la carte postale animée. Coucou. Il est dans l'espace, il appelle ses potes en Floride. Ah, oui. Non, il les appelle pas, il reçoit une carte postale. Ouais, il peut pas communiquer. Ses potes, c'est des dégénérés, quoi. C'est-à-dire que lui, il est chercheur en aérospatial, il emmène des singes dans l'espace, il fait des expériences de ouf, pendant que ses potes de la fac, eux sont restés en Floride et sont toujours en Spring Break total. Ce qui est trop marrant, c'est qu'on est en 2029. Et il y a déjà l'introduction du voyage dans le temps, parce que ses potes, ils sont en 1990. Mais clairement. Ils ont des maxi sweats fluo. D'ailleurs, il y a Van Damme derrière, on le voit pas, mais il fait un petit passage subliminal. Time Cop, hein, voyage dans le temps. Bon, du coup. Alors, est-ce que je peux passer à ce concept? De singes qu'on envoie dans un trou noir. Oui, alors, ouais. Allons-y. Mais alors, c'est pas un trou noir. C'est un podcast scientifique. Mais alors, si, parlons-en. C'est une sorte de trou noir. Enfin, en tout cas, c'est un truc. Qu'on a pas trop, on sait pas ce que c'est d'ailleurs. C'est une tempête interstellaire. Exactement. Non, voilà, C'est une tempête, et on sait tempête pas trop. De gaz. Oui, mais on sait pas ce qu'elle produit. C'est pour faire une blague, nickel, à propos de gaz. Non. Alors, tu n'as pas. Julie, je t'en prie, continue. Ça a l'air nettement plus intéressant et scientifique que ce qu'allait dire Mickaël. Alors, peut-être pas scientifique, mais en tout cas, on sait pas quel effet ça va produire sur le vaisseau qu'on va y envoyer. C'est pour ça qu'on y envoie un singe. C'est ça. Donc pourquoi il y a un humain qui va chercher le singe, en fait? Oui, non, ça n'a aucun sens. Après ça, lui, il est autonome. C'est-à-dire que. En fait, c'est marrant parce qu'il élève des singes. C'est lui qui décide d'y aller tout seul. Il élève des singes. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il élève des singes qui potentiellement peuvent disparaître ou mourir, mais il est tellement attaché qu'il va quand même le chercher, quoi. Oui, mais moi, ce que je comprends pas. Il est pris d'amour. Et là, je suis désolée, je vais faire un bond dans le temps et dans le film. T'es excité, hein, Julien, je trouve. Ouais, mais ça m'excite, les singes. Non, mais pas autant que Greg, visiblement. Donc, et continue. Pas autant que Wahlberg, du coup. On en parlera, mais. Non, et du c'est coup... mon singe. Le mec sacrifie sa vie, va dans une tempête interstellaire, dans une mini capsule pour sauver un primate. Et puis, il roule un singe à la fin. Enfin, je sais pas, on envoie un primate pour pas sacrifier un humain. Donc, finalement, l'humain y va, et on s'aperçoit que tout son vaisseau a passé 40 ans à le chercher après. Donc, on a carrément sacrifié toute une flotte. Finalement, aller chercher un putain de singe, quoi. Enfin, non, mais ce qui est dingue, en plus, c'est que, tu vois, en fait, le singe, il va se perdre dans le trou noir, tu vois, c'est genre... C'est pas un trou noir. Oui, bon, enfin, ça fait super trou noir, tempête stellaire. C'est-à-dire que le singe est genre à 2 km du gros vaisseau, et personne flippe, genre le singe est en train de se perdre dans un orage de l'espace, et genre, bon, bah, le singe est en train de se perdre, bon, c'est vrai qu'on n'est pas très très loin de nous non plus de cet orage, mais c'est pas très, très grave. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas au bout de 6 heures, quoi, le singe il parle. Oh putain, on a perdu le signal! Et puis surtout, on vient pas du tout de se choper une espèce de coupure de courant trop chelou. Moi, il y a deux choses qu'on n'a pas notées. Il y a un truc qui m'a fait marrer. Ça, c'est dans plein d'autres films. C'est oh là là, on a reçu des signaux. C'est pas un trou noir. Hein. on a reçu des signaux de la Terre. Tu sais, genre, tu sais, des émissions terrestres depuis la nuit des temps. Donc pour bien faire comprendre qu'on a reçu la télé en accéléré. Depuis, vous voyez ah ce oui, truc-là oui, ou oui, pas et alors là, qu'est-ce qu'on voit à la télé? On voit Hitler, la place Tiananmen, le mur de Berlin. Tu sais, on ne voit que des événements historiques à la télé. Alors qu'en vrai, tu as ça, t'as de Chavannes, tu vois. Ciel Montmartre. T'as trop pas des maxi trucs historiques. Je crois qu'il y a quand même de manière un peu subliminale. Enfin, ça passe très rapidement hein, dans mon souvenir, mais il me semble qu'il y a la victoire de la GIA en 96. Moi, il y a un truc pareil. Alors moi, je vais vraiment faire un truc. Parce que dans ce film-là, ok, il n'y a pas d'image de synthèse, mais il y a aussi un truc, c'est que tu vois direct le plateau. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me dis, je me sens vraiment dans ce vaisseau spatial. Non. À chaque fois, je fais, ok, là, je suis sur un plateau, mais ça se sent. Si. Attends, t'as la salle des commandes, t'as une fenêtre, et derrière, t'as la capsule. Tu sais, genre, on voit Mark Wahlberg depuis la salle des commandes, quoi. Genre, ils se sont dit, on va mettre où la capsule? On va la mettre tout près de la salle des commandes, c'est drôlement plus pratique. Il y a un truc aussi, moi, que j'ai trouvé quand même hyper cheap et très peu crédible. C'est quand même que il enfile son casque comme une vieille cagoule et qu'il la fixe même pas. Enfin, il y a rien d'hermétique. Le mec, il se retrouve dans l'espace. Enfin, genre, détrompe-toi. Il direct. Dans Time Cop, ils avaient pas de casque. Donc, et ils prennent un truc qui est là encore plus dangereux. Bon, en tout cas, il part chercher ce putain de macaque. Tempête interstellaire. Dans sa tempête. Un trou noir. Il rentre dans le trou noir. Et là, il perd le contrôle. Et tac, tac, tac, tac, tac, il s'écrase sur. Attention, il arrive sur une planète inconnue dont le climat est exactement le même que la Terre. Oui, c'est incroyable. Il y en a peut-être une sur un milliard dans l'espace. Bon, voilà, voilà. Et en plus, il a déjà été dans l'espace, J'ai une petite question. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'ils foutaient dans l'espace, ces gens-là, ou non? Parce que c'est jamais dit, je crois. Oui, bah, si, on ne sait pas. C'est le grand projet pour envoyer des singes dans les tempêtes. C'est l'unique. C'est un succès d'ailleurs. Parce que je crois que c'est dit à aucun moment. Hein. Genre, oui, on part du principe. Mais on s'en fout, on s'en fout. C'est pas ça le propos du film. T'imagines le mec qui veut. La création d'une nouvelle civilisation, le messie qui va revenir, et tout mais ça. Non, c'est pas ça. T'imagines le mec qui cherche des financements. Bon, alors pourquoi vous voulez de la thune? Alors l'idée, c'est d'envoyer des singes dans des tempêtes galactiques. Ben moi, je mets le million. Et vous faites la sonde. Hein. Donc là, il atterrit dans une jungle. Moi, j'ai reconnu le décor parce qu'en fait, je suis allé. Non, tu vas pas nous faire le coup d'Avatar, non. Non, pas nous dire c'est non. Non, non, c'est encore plus drôle ce que je vais dire. Je suis allé à Disneyland récemment. Il y a Pirates des Caraïbes, l'attraction. Ça a été tourné dans la fausse jungle de Disneyland. C'est un enfer ce truc. Ça, c'est les arbres en plastoc dans tous les sens. Donc Mark Wahlberg, il arrive, il se crache dans une planète qu'il connaît pas en fait. Il y a du bol, il tombe dans un lac. Oui. Et on a vu un compteur, on a vu un compteur d'années aussi qui est beaucoup mieux que celui de la DeLorean. Ah bah oui, parce qu'il sait exactement où on est. Alors lui, il passe dans le futur, tu sais pas du tout comment il a fait. En fait, carbone 14 sur lui-même quoi. Comment le compteur peut comprendre qu'il est en train de changer d'année quoi? C'est quoi? C'est la magie du cinéma. D'accord. Franchement, t'as pas compris. T'as pas compris ça sérieux. Là, donc là, on voit les singes pour la première fois. Ouais, et là, on comprend en fait. Tout on comprend qu'ils sont puissants. Hein. On comprend déjà qu'ils ont des trampolines. Bah non, aussi. c'est pas les premiers qu'on voit les singes. On voit une tribu d'hommes. Ouais. Avec une nana permanentée blonde. Oui, Shakira. Oui, mais Shakira, c'est qui ça. Est là. C'est voilà. Ça. Elle ressemble ouais, Shakira à Shakira. Qui est là tout le long du film en fait. Hein. Ouais, non, bah, Shakira. Comment il s'appelle Il va se la taper. Hein. Shakira, ouais. Shakira, je crois. Et c'est la meuf qui joue dans La Vie d'Adèle. Comment elle s'appelle Adèle Hanel ou Adèle. Elle ressemble un peu, non? Non, c'est pas Adèle Hanel, je dis une bêtise, c'est Adèle Extranopoulos, là, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, voilà. Ouais. Elle lui ressemble un peu, non? Elle lui ressemble, bon, elle a une grosse bouche, quoi, elle a une grosse bouche. Oui. T'aimes bien les singes, Greg? Ouais, là, moi, bah, déjà, il y a un truc, c'est qu'ils ont tous des peaux de léopard. La seule race qu'il y a sur cette putain de planète, c'est des singes et des humains, quoi. Il y a rien d'autre, ils le bouffent, tu vois pas trop ce qu'ils bouffent. Ouais. Non, tu sais pas ce qu'ils bouffent. Mais c'est marrant parce que c'est une tribu autochtone. Bon, tu comprends qu'ils sont pas très évolués, les hommes, sur cette planète. Et je vais pas refaire ma blague d'Avatar sur les documentaires Arte sur les autochtones, mais c'est pareil. Ah ouais, c'est la même. Ouais, c'est la même. Ils ressemblent pas vraiment à ça dans les documentaires sur la 5e, quoi. Tout le monde parle hyper bien la langue de Shakespeare. C'est-à-dire que là, l'anglais, ouais, c'est... Ouais, mais ça, c'est un problème, en plus. C'est monnaie de base, quoi. Non, mais en plus, tous les singes parlent l'anglais d'Oxford, quoi, tu vois. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai pas été surpris parce que j'ai acheté le guide du routard sur la planète des singes parce que je vais y partir cet été. Je vais partir cet été, c'est bien notifié, hein, qui parle très d'anglais. Donc là, c'est vraiment le combat homme de Cro-Magnon contre des singes ninja. Parce que les singes ninja font des bonds de 60 mètres, hein. Ouais. T'as pas vu? Ils ont des trampolines, en fait, en dessous. Ils se déplacent toujours avec leurs trampolines, hein. Mais il y a une musique surtout. Doompa Loompa, genre à la Tim Burton, genre hyper lourdingue quand ils arrivent sur la planète. Enfin, quand t'arrives dans le village, c'est les Ewoks. Hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça me permet d'introduire le village. Alors le village, j'ai menti, Greg, c'est pas un plateau. Là, c'est carrément un studio. C'est un gros village, mais tu vois quand même les trois baraquements et tu vois la fin, quoi. Tu vois le fond. C'est pas un fond vert, hein. Non, c'est un fond peint, mais tu le vois quand même. Mais déjà, il faut dire qu'en fait, les... Il se fait capturer. Bah, il se fait capturer par les singes. Oui, oui, oui. Qui venaient de capturer des hommes. Qui font pas la différence entre Shakira et un astronaute, quoi. Ouais. Le mec, il est rasé. C'est le seul mec rasé de toute cette putain de planète. Ouais. Il est en tenue d'astronaute. À côté de lui, il y a des mecs en peau de lapin ou je sais pas quoi. Peau de lapin sans doute pas, mais il en faudrait beaucoup. Non, bah non, mais peut-être. Et ils font pas du tout la différence. C'est un esclave comme les autres. En fait, ce qui m'énerve. Vas-y, Mickaël. Non, je disais par contre, tu t'es trompé en disant qu'il y a que les singes et des hommes. C'est pas vrai, puisque les singes montent des chevaux. Ouais. Et d'ailleurs, Tim Burton va réaliser un film où il va envoyer un singe sur la planète des chevaux. Du coup. Pour compenser. Pour compenser. Ouais. Et à la fin, il envoie un cheval sur la planète des hommes et tout le monde monte des singes. On va couper au montage. Moi, ce que je trouve nul, en fait, c'est que. Petit rire de Greg. Il avait une faute de français. Non, ce que je trouve nul, c'est que le mec, il se fait capturer. Il vient d'arriver sur la planète. Il sait pas c'est quoi les bails. Et il se rend compte que les singes parlent par l'anglais d'Oxford. Et il va pas essayer de communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'il se fout dans. Non, il y a une meuf qui lui dit de pas parler. Et d'ailleurs, cette meuf, elle est jouée. Est-ce que tu l'as remarqué, toi, Mickaël? Je sais pas pourquoi je te demande à toi. Laquelle? Celle qui lui dit de se taire, celle qui lui dit de pas parler, qui fait chut. Ouais, bah Shakira. Hein. Et bah c'est. Non, c'est pas la blonde justement, c'est Linda Harrison. Linda Harrison, elle jouait dans la version de 68 parce que c'est le seul film qui réunit Charlton Heston et Linda Harrison, donc les deux acteurs principaux de la version de 1968. Et ils font tous les deux leur apparition dans ce film. Pardon, c'était une petite anecdote que je me suis permis. C'est qui Charlton Heston dans ce film? Il joue un singe. Ah ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je suis assez déçu parce que moi j'aime beaucoup Tim Ross en fait, qui joue. D'ailleurs, qui est bien en fait dans ce film. Mais il est en populaire hein, quand même. Ben en fait, je trouve que ça le met pas en avantage d'être dans ce costume. Vous savez qu'il fait Dumbo à Disneyland. T'as dû voir d'ailleurs Antoine d'ailleurs. Non mais attends. Non mais surtout, enfin déjà il y a une première incohérence. Moi je l'écris plus tard parce que après c'est encore pire. Mais enfin il y a un moment il peut communiquer avec les singes. C'est ça que je dis. Il dit rien le mec d'un seul coup et surtout il est pas surpris. Il se dit pas oh putain des singes de 2 mètres qui font la loi. Le gars il fait Ok, c'est ça les bails sur cette planète. Vaut mieux rester discret. Non mais tu vois, c'est ça ton plan. Mais merde, c'est ça, t'es putain, t'es pas débrouillard. C'est-à-dire qu'il se fait mettre en cage et tu vois les humains ils sont complètement débilos quoi, tu vois. Et lui il pourrait essayer de mettre en avant, tu vois, sa science et tout. Et pas du tout, genre il est dans la cage et il se laisse faire quoi. Alors qu'il pourrait dire non mais excusez-moi les gars, je viens d'une autre planète. Mais ils ont pas l'air très coopératifs en même temps les singes. Hein. Ouais, ils ont l'air un peu con. Alors juste pour revenir au village, donc c'est très important. Parce qu'il faut situer les singes dans le temps. Parce qu'en gros, en gros, c'est une énorme analogie à notre histoire et blablabla. C'est pas mal fait. Les singes, en gros, c'est les Romains. Ils ont à peu près la même technologie. J'allais dire les nazis, moi. Mais bon, non. Tant pis. Ils ont pas de panzer. Hein. Une manoc. Donc c'est les Romains. Non, mais en gros, ils ont la technologie romaine. Il y a ce truc-là d'esclaves. Ils ont des tentes, ils ont des campements. Enfin, ça ressemble vraiment. Oui, ça ressemble à ça. Oui. Ça ressemble aux Romains. À l'exception près qu'il y a des jeunes qui vont se faire une douille dans un coin qui a l'air assez années 80. Et il y a des kids qui font du basket. Vu comme ils sautent, en même temps, ils ont raison hein, sur les sports. Hein. Non mais surtout qu'en plus le panier est à la même hauteur et que les kids ne sautent pas. Tu pourrais faire des dunks de dingue. Enfin, alors, moi ce qui m'a surtout choqué quand j'ai vu les singes, c'est qu'ils ont des sourcils en fait. Non mais tu sais qu'ils devaient pas en avoir normalement. C'est vrai. Ils ont été rajoutés après. Ah ouais. Et oui. Pour les rendre plus humains. Petite anecdote. C'est fou. Tu savais pas en tout cas. Non, je ne sais. Bah Greg on savait. Bon en tout cas dès le début il arrive dans le village, il est captif. Et on a l'apparition, on a la présentation de cette nana. Anarcho-écolo, quoi. L'anarcho-écolo, fille de bourgeois, la babousse, et avec du rouge à lèvres, la singe belle gosse, en fait. C'est la seule singe qui a du rouge à lèvres. C'est-à-dire que dans cette société roumaine. Romaine. c'est pas un camp de Rome, hein, c'est un camp romain. ça fait rire Greg, hein. dans ce camp romain, pas roumain. C'est-à-dire il y a des anachronismes hyper violents. Donc il y a le rouge à lèvres. Il y a un moment pareil dans une discussion. Et alors parce que t'es un singe, tu peux pas mettre du rouge à lèvres, c'est ça? Non mais allô quoi. Putain, quoi. Non mais il y a un moment dans une discussion plus tard pendant le dîner. Il y a le sénateur avec sa gonzesse qui fait oui l'été dernier nous sommes partis en vacances. Non mais attends, mais partir en vacances ça nécessite un pays unifié, tu vois, pas de frontières, pas d'armée, pas de machin, enfin ça a aucun sens. Attends, mais tu la connais la planète des singes? Voilà, tu sais quoi la situation en vacances sur la planète des singes? Attendez, ça s'appelle une planète. On n'arrive pas à comprendre si c'est un village, une ville, un pays ou une planète. Ouais, on ne comprend pas le nombre d'éléments. Je te passerai mon routard, tu vas comprendre tout. Ouais, c'est quoi la monnaie? Et après, on a l'introduction du singe négrier, tu sais, qui a des esclaves. Ah, il est lâche, lui. Hein. Ah, il est drôlement lâche, lui. Hein. Ouais, c'est un salaud, lui. Hein. Et donc, lui, son business, c'est de choper des humains pour les vendre. Paul Giamatti, d'ailleurs. Qui ça? C'est l'acteur, c'est Paul Giamatti. Ouais, très bon acteur. Il est assez cool en plus. Ouais. En vrai, il est pas mal. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Et après ça, il y a surtout moi mon préféré, hein, le général, le méchant quoi. C'est Tim Ross d'ailleurs. Tim Ross qui est tout le temps énervé donc dans ce film, mais qu'on va déceler. Ils avaient hésité entre psychopathe. Hein. Ils avaient hésité entre Tim Ross et François Cluzet du coup. Et voilà, ça fait des traces jaunes. Alors j'ai dû pour les besoins de cette émission, moi je l'ai regardé en VO, mais j'ai voulu construire parce que en VO en fait il grogne pas mal et je me suis dit ça peut être intéressant de faire un montage audio. Et en fait j'ai écouté en VF c'est le gars qui fait Eddie Murphy qui fait sa voix quoi. Ah peut-être ouais. Je peux vous le prouver. Alors j'ai un extrait très court parce que je pouvais pas en fait, j'arrivais même pas à le remater en français pour faire des extraits. Donc c'est très très court mais c'est juste pour vous prouver que c'est lui. Il l'aurait tué à tous en esclavage. Tuez-le! C'est un mensonge! Aide-moi, mon frère! Tue l'homme! C'est vrai. Voilà, je n'ai pas menti. Non, t'as pas menti. Et bon, heureusement que je l'ai pas maté en VF parce que ce truc-là, je l'aurais eu dans la tête toute la. En fait, j'aurais imaginé Eddie Murphy énervé derrière le costume. Ça m'aurait fatigué. Bon, pour faire rapide, il est captif, il prend en otage la macaque anarcho belle gosse. Non, attends, là, on saute des étapes, on va accélérer, mais. Le film dure 2h30, il va falloir accélérer. Hein. Déjà, chez les esclaves. Donc, chez les esclaves, c'est encore un autre décor. Pour le coup, c'est un peu plus une pièce de théâtre parce que c'est que d'un côté. Shakira, on va la marquer au fer rouge. Ouais. Avec le logo du Club Med. Attends, Amérique. C'est hyper important. On n'explique pas du tout pourquoi. Et là, surtout, il y a une vraie tension sexuelle entre l'anarcho machin et Mark Wahlberg. C'est marrant, je l'ai mis moi aussi. Grosse tension sexuelle. Non, mais il y a une tension sexuelle. Mais moi, dans ma théorie, c'est-à-dire que si c'est elle qui est considérée comme la race qui peuple et qui définit la société et que les autres sont des sous-races, voire des animaux, bah elle, elle est zoophile en vrai. Comme Greg. Bah pensez-y. Comment c'est gratos. Pourquoi tu dis ça à l'antenne? Parce que t'as aimé ce film de merde. ensuite, c'est le dîner mondain. Ouais. Où là, il est esclave. C'est-à-dire que Mark Wahlberg, il passe. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures, il était dans une capsule. Dans une cage. Et là, il devient esclave dans un dîner mondain. Le mec se pose aucune question, quoi. Ouais. Alors qu'il a pas dit un mot et tout le monde le trouve plus intelligent alors qu'il a pas dit un mot, juste avec son regard. Là, c'est un décor de série télé. Vraiment, c'est un grand plateau. Je vais le noter. À chaque fois, sur chaque scène, c'est le décor de quoi ? Greg est en train de pleurer, en fait. Non, mais en fait, je suis d'accord avec tout ça. Le problème, c'est que tout le concept, eh ben, il est pas si mal. Vous arrêtez à des détails, les gars. Connard. Moi, il y a un truc qui fait marrer aussi, mais ça, je suis content parce qu'on l'a entendu dans la bande-annonce. Genre, mais quelle est ta race? D'où viens-tu? Ah, s'il te plaît. De l'US Air Force. Ok. ça rappelle un autre film, hein, ça. Excuse-moi. Non, mais ça rappelle un autre film et plein d'autres films. Genre, je viens sur une planète inconnue, personne ne me connaît, et je suis de l'US Air Force, et tout le monde comprend que je viens de l'US Air Force, parce que même dans les contrées inconnues, et dans des dimensions parallèles, on connaît l'US Air Force et les Marines. S'il vous plaît. Il y a, pareil, pendant le dîner, en gros, c'est un dîner mondain avec le sénateur, le machin. Il y a toutes les transpositions, il y a une transposition des, tous les clichés sociaux. Tu sais, t'as la fanatique écolo, t'as le méchant, t'as le sénateur, t'as la pute du sénateur, t'as tous ces trucs-là à la con. Ouais. Et c'est genre, bon. Ouais. Vous me faites chier là, paraît bon, quand même. Plus, hein. Non, mais je suis d'accord. Je fais un four. Non. Bon, bah, Greg, parle de l'évasion alors. T'as envie d'en parler. Et donc, bah, non, l'évasion, pas grand-chose à dire. Voilà. Non, bon, ok, merci Greg. On va passer aux commentaires directement. Est-ce qu'on peut couper le micro? Moi, je veux bien parler de l'évasion. Moi, j'ai un milliard de trucs à dire sur l'évasion. Donc, vas-y, Julie, je te laisse parler. Alors, moi, j'ai noté, il sauve la famille de la blonde en mode MacGyver. Alors, je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Je crois qu'il tord les barreaux de sa cage, ou je sais plus comment En fait, il prend la ficelle, et il accroche la ficelle autour de 2 barreaux qui serrent à fond, et ça finit par lâcher, oui, alors qu'il pourrait très bien les arracher à la main. Exactement. Ouais. Parce que c'est du bambou très fin. Déjà, est-ce qu'on peut parler quand même de, ça avait l'air d'être une ville au début, parce que dans le fond qui a été peint, il y a une ville qui était peinte, donc on a quand même l'impression que c'était grand. Genre, il s'échappe de la baraque, la prison, elle est en face. Il y a aucun garde. Ouais. On est passé pareil, je sais pas si vous avez remarqué, il y avait 19 prisonniers esclaves, il y en a plus que 4. Ouais, c'est plus pratique. Donc, ils sont sans doute allés travailler. Et la meilleure idée pour s'échapper, c'est de traverser toutes les chambres des singes. Bah oui. Et attention, pas n'importe quel singe. Les singes qui ont déjà été introduits dans le film. Ce qui est très particulier. Le Big Boss, le singe négrier. Ils ont tous leurs chambres côte à côte. Ouais. Moi, j'ai noté scène de vieux vaudeville, tu vois. Ah non, mais c'est du théâtre. Non, mais c'est hyper nul. Mais surtout, on se demande comment ils arrivent à se barrer. Parce qu'en fait, dès le début, on voit que les singes, ils sont vachement plus balèzes que les humains. Mmh. Qu'ils chopent les humains avec deux doigts et qu'ils déglinguent. Il y a du sexe de singe hein, dans ces scènes-là. Moi, ah bon je le dis. Bah oui. Il y a la pute et le gros là, et elle commence à lui faire son show et tout. Mm. Et ils sont peureux. Vous avez vu comme ils sont lâches, ils sont lâches les singes. Mm. J'aime pas ton racisme ordinaire envers des singes comme ça. Là. Moi, j'habiterais pas dans un appart où il y a un singe. Je te dis direct. Putain, mais t'es raciste. School, mais en vrai, les singes. Chacun chez soi. Moi, j'ai un pote, c'est un singe. Mais voilà, il est d'accord avec moi là-dessus, tu vois. Par contre, t'as raison, parce que effectivement, il y a une incohérence, parce que c'est l'élite de la société, en fait. T'as les sénateurs et tout, mais ils sont tous en coloc. Ça doit être très cher. Et alors, est-ce qu'on parle du fait quand même que le moyen le plus discret de s'évader, c'est quand même de passer par tous les appartements des gens qui nous cherchent, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et en plus de faire un max de bruit, enfin, tu vois, il y a aucun moment, ils sont là, genre, ouh, chut, chut. Non, pas du tout. Ils courent, ils tapent dans toutes les lampes, ils font tout tomber. Non, donc là, ça sonne l'alarme, parce que les singes, attention, hein. Ils sont réactifs, hein. Bing, bing, bing, bing, hein. Pas fou le singe. Ils sont malins comme des singes. C'est ça que je cherche. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Et donc, Maurice, il essaie de retrouver son vaisseau et du coup, il arrive au marécage. Oui, il demande à la nana. Attends, Greg, c'est pas parce que t'aimes bien ce film qu'on va pas parler du film. Non, mais on y passera 2 heures s'il faut, Greg. Je vois les signes que tu me fais. Parce qu'il y a quand même la scène où il y a le méchant, donc Tade, Tim Ross, qui va aussi dans le marécage qui ressemble juste à Dagobah. En fait, je pense qu'ils ont réutilisé tous les décors de Star Wars dans cette scène-là. Après, on va aller sur Tatooine. Et avant, on était chez Ewok. Hein. Oui, c'est tout Star Wars. Et en fait, qui bute ces deux gardes, genre, mais totalement gratuitement, quoi, parce qu'il découvre le vaisseau de Mark Wahlberg. Mais pourquoi? Et en fait, ça n'a pas de sens, parce que je pense que c'est vraiment un fou psychopathe. Et ben pourquoi? Alors, surtout qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que Mark Wahlberg, il arrive à s'enfuir du village. Je veux dire, il est jamais venu sur cette planète. Il s'est fait capturer. On le dépose à un autre endroit dans la jungle. Le mec retrouve son vaisseau. Ouais. Ouais. Il fait ah, attendez, c'est par là, c'est à gauche. Eh, on est là. Ouais. Non, mais moi, c'est vraiment cette planète. Marines. Cette planète, elle fait 4 hectares. Enfin, tu vois. Ouais. Même après, ils vont y aller à pied au vaisseau mère. Tu vois, ça, c'est, ça va vraiment, vraiment très, très vite. À Calimar, tu veux dire? Calimar. Il y a un truc qui est marrant aussi. Il y a un lac. Genre, c'est le lac de l'enfer, mais c'est 100 fois le lac de ne le dire à personne. Ouais. Moi, il y a un fond de piscine. C'est un lagon au fond, quoi. Il y a un fond. Bah, c'est juste qu'il est dégueu de l'extérieur et quand tu plonges dedans, tout est clair, il y a du chlore en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a même des petites algues. Alors, je te jure, quand il est sous l'eau, on a l'impression que l'eau est chaude, t'as envie d'y aller et tout. Alors que quand t'es dehors. Le mec plonge direct d'ailleurs, dedans, quoi. Tu vois, c'est une planète que tu connais pas, potentiellement, il y a des bestioles de l'enfer. Tu vois, t'as des singes géants déjà à l'extérieur. Moi, je mets pas un pied dans l'eau, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que la blonde saute sans aucune raison dedans. Elle a vraiment aucune raison de sauter. La blonde est déjà avec un maxi décolleté et une maxi mini jupe, c'est juste pour mouiller tout ça, en fait, je pense. Vraiment, quoi. C'est vrai. Moi, je vois là, au risque d'être vulgaire, la blonde, elle veut son shoot. Enfin, non, mais ça elle... va, c'est pas vulgaire. Non, mais elle... pendant tout le film, il y a ce truc-là, il y a des gros regards sur elle, genre, et je pense qu'il y a même un plan où elle se mordit la lèvre, quoi, tu vois. C'est possible. Elle parle à un moment donné dans ce film ou Ouais, elle fait des En fait, elle communique en se frottant les seins. Bon, on retourne chez les singes. Attends, juste. Par contre, dans le lac. Je suis juste, moi, je suis juste d'accord. C'est potentiellement le 2 heures de perdu, le plus long de l'histoire, mais je m'en fous. Non, mais pour une fois, je me range du côté de Greg. On est en minute 17 là. Hein, je pense pas plus. Hein. Oui, mais la fin, ça va aller vraiment vite. 2h30 de film. Putain, moi, il me reste 2 pages encore. Bon, le truc, c'est que là, le lac, il trouve sa sacoche. Qu'est-ce qu'il trouve dans sa sacoche? Il trouve le pistolet à explosion aléatoire. C'est-à-dire que des fois tu tires, ça fait exploser 5 arbres, des fois c'est un claque-doigt, et à la fin c'est des balles rebondissantes. Je sais pas si vous avez fait ça. Ce truc-là fait n'importe quoi, et surtout une fois qu'il a ce flingue-là, mais ça y est, il s'en turbranle, il manque de respect à tout le monde. Tu vois, genre les singes, ils commencent à se foutre de leur gueule et tout. C'est dans le dictionnaire. Je m'en branle, vous êtes des primates et tout, genre il range son queue. Il est genre invincible. Mais on dirait un peu un pistolet à colle quand même. Bah, il va refaire les joints de la salle de bain. Mais ce qui est marrant, faut c'est bien que... le régler. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il sort donc de l'eau avec un flingue. C'est-à-dire que les singes, ils ont même pas l'électricité, quoi. Ils voient le mec tirer avec un flingue qui fait tout péter. Potentiellement, ils devraient le prendre pour un dieu, quoi. Pour un mec qui vient de débarquer sur leur planète, un dieu. Et non, pas du tout. Ils trouvent ça normal. Greg, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, je pense qu'il faut avancer et que... Connard. Et que à ce moment-là. Il y a le singe un peu celui qui veut le pouvoir qui va voir le descendant du prophète. Alors tu parles de quoi? Tu parles de la déclaration de la loi martiale en fait. Non, j'essaie d'avancer un peu dans. Il va voir le comte Dracu singe. Non, c'est le fils du prophète, c'est le descendant du prophète. Non mais attends, son père c'est juste Dracula quoi. Le mec il habite dans une espèce de château avec un coffre. Oui, j'ai dit Dracu singe, bon, c'est une blague de merde. J'avais même écrit dans singe banni. T'as mis quoi dans singe banni? Oh non. La fête. Ouais, bah quand j'en ai des préparés, voilà, c'est moins bon que bon, en tout cas, le singe il se rend compte qu'il y a des pistolets et que les humains sont peut-être des menaces pour les singes. Et pendant ce temps-là, notre ami, le héros. Non, mais arrête d'accélérer. Là, il dit le mystère et la réponse à toute notre société se trouve dans le vase. Le vase qui n'a jamais été brisé. Comment le gars peut savoir ce qu'il y a dedans? Mais il le sait parce que c'est le fils du prophète. Oui, mais il l'a jamais vu, ce qu'il y a dedans. Mais si, c'est le fils du prophète. Attends, ça veut dire qu'on est que sur 3 générations, ils ont appris la parole des Européens Célestiens. Il y a 3 générations. T'imagines qu'on passe des singes du vaisseau. Non, parce que là, après, on va parler voyage dans le temps. Je suis désolé, vous avez déjà mal au crâne. Excuse-moi, mais enfin, tu crois qu'il s'est passé quoi entre ton arrière-grand-père et toi? Non, mais attends, ça veut dire qu'entre mon grand-père, si mon grand-père, c'est le singe qu'on voit dans le vaisseau du début, Bah, t'as pas le temps de créer une société aussi rapidement, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis d'accord. Bon, bah, ok. Mais bon. Alors, vous sous-estimez les singes, donc. Eh, ça vous retombera sur la tronche un jour. Je vous préviens. Bon, bah, écoute, moi, je voudrais bien avancer. Si jamais. Est-ce que quelqu'un veut parler du singe japonais ou est-ce que. Singe japonais? T'as pas remarqué que le singe, le pote d'Elena Bonham Carter, là, qui a des yeux de il a des yeux de singe japonais. Et il est... mais bon, bah non, personne n'en parle alors, non. Bon, c'est Greg veut avancer. Ouais, bah, j'essaie de mettre un peu la pression. Maurice, il est là avec son détecteur de Dragon Ball. Et il se rend compte qu'il y a une navette là-bas, donc attends, il va faire la navette. Non, on avance. Mais non, mais attends, mais vous avez jamais remarqué que dès qu'il regarde son détecteur, ça indique toujours l'ouest. L'est, ça indique toujours à droite, et à chaque fois il fait ok, bah c'est bon, alors que ça indique toujours sur l'est. Quoi. C'est peut-être parce qu'il est toujours à gauche. Le mec, avant de se synchro, il fait bon, je vais mettre un bus sur le côté, et bah c'est bon, c'est bien sur le côté. Donc il va chercher cette putain de navette, parce qu'il se rend compte que le vaisseau est sur le. Non, mais attends, il traverse un camp aussi. Non, mais putain, mais il y a non, mais c'est à ce moment-là. Ouais, bah, et à ce moment-là, il tombe sur le camp. Il tire une fusée de détresse qui n'attire l'attention de personne. Ouais, mais pourtant il sneak. Non, mais déjà, pourquoi traverser ce putain de camp? On peut clairement faire le tour. Ouais, alors, attends, mais faut quand même, malin, t'es un humain, toi, ça va, quoi. Il faut quand même préciser une chose, c'est que les singes ne savent pas nager. Ouais. Ils ont peur de l'eau, ouais. Ils ont peur de l'eau. Mm. Donc en fait, le but, c'est de traverser le camp pour rejoindre le lac le plus tôt possible. Ça, c'est très singe aussi d'avoir peur de l'eau, ouais. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il... Vas-y. Moi, parce que je trouve. Qui me fait marrer, toi? Parce que moi, il y a un truc qui me fait marrer. Moi, il y a un truc qui me fait marrer aussi dans ce film. C'est que les singes, en fait, dans la société des singes, il y a 80. Si on fait les statistiques, hein, je sais pas s'il y a l'équivalent de l'INSEE là-bas. Ouais, mais je crois que 95% de la population est militaire, en fait. Et tout le reste est noble. Et c'est ça. Non, mais il y a pas d'intermédiaire. C'est des enfants qui jouent au basket. Voilà, c'est ça. Même quand t'as une société d'esclaves humains. Non, mais ça, pour le coup, c'est vrai. C'est vrai que quand t'as une société d'esclaves, c'est assez simple de s'élever dans la société. Alors, moi, j'ai noté la blonde Barbie sauvage aux spartiates ridicules. Voilà, je voulais le mettre. Oui. Bon, le Gugus, il traverse le lac avec le macaque sur son dos. Oui. C'est-à-dire que oui. Dès qu'ils partent, tu sais, genre la macaque, elle est ultra vénère, elle a trop peur de l'eau, elle est en train de le couler, elle lui met la main sur la. Attends, mais les singes, ils sont victimes de leurs émotions aussi, parce que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème, les singes, ils font genre, ils partent en super sucette, quoi. Moi, je trouve ça cool, en fait. Genre, ils sont incontrôlables. Et donc, en fait, il y a une ellipse, ils commencent, la singe, elle est hyper vénère, et là, il y a une ellipse. Tu te dis, il va jamais traverser tellement la singe est vénère. Et tac, plan d'après, bah, il sort de l'eau avec la singe. Quoi. Donc c'était un peu fastoche en fait de sortir avec la singe. Et puis elle a son maquillage nickel. Donc petite nuit à la belle étoile, et hop, on arrive à Kalima. Kalima, quelqu'un peut expliquer pourquoi ça s'appelle Kalima? Moi je pourrais, parce que moi j'ai bien vu le film. Vas-y. Mais je vais plutôt interroger quelqu'un. Moi je vous dis, c'est à partir de ce moment-là où je suis passé en vitesse 1,5 quoi. Bah explique-nous pourquoi ça... Non, toi tu sais. Michael, pourquoi ça s'appelle Kalima? Ah je sais pas, moi ça m'a fait penser au temple maudit en fait. C'est quand il fait Kalima. T'as seule explication. C'est ma seule explication. Et non, c'est cochon animal... C'est quoi le nom? En gros, ça s'appelle Kalima parce que les singes n'ont jamais frotté la poussière pour afficher le truc en entier. Cochon living animals, please. Mais c'est-à-dire que les mecs, c'est leur temple et personne n'est venu nettoyer. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ouh putain, surtout on nettoie pas. Bah non. Et surtout, on s'en va à des kilomètres étoiles. Mais surtout, quoi. Personne ne veut y aller. Mais parce que c'est le secret, justement. Mais c'est là que c'est cohérent. C'est là que c'est cohérent. Ah, tu vois, t'es d'accord avec moi. Parce que s'ils se sont barrés, c'est justement pour pas qu'ils découvrent que c'est les humains qui les ont amenés là à la base et que tout c'est la situation s'est retournée. Bon, tout ça est très cohérent. Oui, non. Là, c'est cohérent. Là, un moment intéressant, c'est-à-dire que Mark Wahlberg, bon, en deux secondes, il touche trois boutons, il s'avère que c'est de l'électricité infinie, évidemment, on est en 2029. Là sur un écran, bon, faut frotter l'écran, c'est un peu de poussière. Il a des vidéos de cinématiques d'Alerte Rouge 2. C'est pas mal fait. Où t'as des gens qui font venez nous aider, signaux de détresse, qui sont ses anciens collègues qui ont vieilli. Donc là, on comprend que c'était une tempête spatio-temporelle. C'est pas un trou noir. Hein. C'est important. Mais moi, je trouve qu'au niveau des mais ça des dimensions parallèles, ça c'est intéressant. Et du voyage dans le temps, c'est plutôt cohérent. Non, c'est pas plutôt cohérent. Non, c'est impossible que son copain le singe arrive après lui et que le copain arrive au bon moment et qu'il. Tu connais toi en orage spatial. Et après, on en parlera parce qu'il y a des théories comme quoi il y a deux planètes, une planète, mais ça on en parlera à la fin. On en parle après. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que donc là, Mark Wahlberg, il se rend compte que. Son seul espoir, le vaisseau qui venait pour le sauver, donc ce putain de vaisseau. Oui, je te fous, hein. Non mais vas-y. Son seul espoir, Je veux dire, il est réduit en ruine dans un désert parce qu'en fait, il est arrivé 30 ans avant lui et il s'est crashé. Et en fait, il s'avère que les singes qui sont là, c'était les singes du vaisseau du début, donc c'est du voyage dans le temps. Et qu'en gros, il a aucune chance de s'en sortir puisque c'est fini pour lui. Il va rester sur cette planète à la con jusqu'à la fin. Il y a un plan où il sort du vaisseau et il fait genre une tête. Bon, ça fait un peu chier tout ça. Tu sais, genre, il est un peu déçu. Genre, mais tu sors de là, mais tu chies à ta race. Et tous les singes qui sont là, tu fais ouais, putain, mais cassez-vous, ça fait trop chier, je suis coincé là. Tu vois. Et là, il sort, il fait bon, ok, c'est la merde là. Mais moi, je trouve ça pas mal fait en fait, parce que jusqu'à ce moment-là, tu penses que les descendants de singes, c'est les descendants du singe qui s'est paumé en fait. Et en fait, pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Incroyable. Ouais, d'accord. Je pense que tu y vas un peu fort. Mais moi, ce que je trouve complètement fou, c'est cet exode humaine qui arrive en 3 minutes. Enfin, 3 minutes. On ne sait pas d'où il vient. Non, attention, attention. Le chiffre 3 est très important. 3 minutes, 300 000 personnes, 360 degrés. Ils arrivent de partout. Il n'y avait personne avant. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est un désert. C'est un petit effet Jurassic Park et Wallow. Ah ouais, là, c'est pareil. Tu vois, on rentre dans le vaisseau, on sort, il y a 300 000 personnes. Quoi. Et alors, je pense à Brevoort plutôt. Brevoort. Niveau accent anglais, je suis au maximum. Les humains pas l'air d'avoir de moyens de communication hyper poussés non plus, donc tu te demandes ce qu'ils ont fait pour se prévenir les uns les autres. Surtout que dans un désert, 300 000 personnes, c'est 20 000 morts par heure, hein, parce qu'il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien à boire. Hein, tu vois, c'est, pour moi, c'est le pire point de rassemblement possible. Tout le monde te voit. Enfin bon. Bon, en tout cas, ça va être le mec qui va rassembler tous les humains. Et d'ailleurs, pour ça, il va monter sur un cheval. Moi, je trouve qu'il monte super bien à cheval pour un mec qui a passé toute sa vie dans un vaisseau spatial, quoi. Mais bon, il y arrive très bien et il ramène tous les humains à sa cause. Alors, discours de mobilisation. Extrêmement cheap, quoi. Là, ouais, c'est pas Avatar, hein. Parce que dans Avatar, autant, moi, j'étais devant ma télé, j'avais envie de combattre. Là, Mark Wahlberg qui motive 3 mecs, j'ai fait putain. Sachant que 10 minutes avant, il leur a proposé de rentrer chez eux alors qu'on venait de lui dire qu'ils avaient tout abandonné pour venir là. Il y a déjà aussi la jalousie entre les deux gonzesses. Enfin, pardon, entre la gonzesse et la singe. Je veux dire, la narco-BG. Et tu vois bien là, tu sais, il y a tous ces trucs, des regards, elles sont toutes les deux un peu amoureuses de Mark Wahlberg. C'est bien fait, ouais. Toi, tu choisis qui, Greg, entre la singe et Shakira? La singe, je pense. Bah, ça dépend où je dois rester, en fait, quoi. Parce que ça dépend de la vie que j'ai envie de vivre. Parce que si tu veux vivre une vie de bourgeois, tu peux éventuellement te caler avec la singe, quoi. Et après, tu dis qu'on perd du temps sur ce podcast. Ok, on avance. Moi, je pense que je m'envoie Shakira, ensuite la guerre et je meurs, tu vois. Genre, faire ça, quoi. S'envoyer Shakira et mourir, quoi, c'est ça. Donc ensuite, alors raconte-nous la scène de guerre, Greg. La scène de guerre, en fait, vitesse 1, hein, pas vitesse à laquelle j'ai regardé. Non, je te l'ai fait, vitesse 1,3. En fait, il se rend compte qu'il y a encore beaucoup de fuel dans le vaisseau et qu'il va pouvoir faire un méga carton en mettant le power maximum. To the monkeys. Excusez-moi, juste parce que je suis totalement bilingue. Et donc, il décide de rallier les humains pour qu'il ramène tous les singes à cet endroit-là, pour qu'à ce moment-là, au moment où les singes attaquent, il veut faire balancer l'explosion. Donc, combien de personnes il va tuer avec ce truc-là? Très peu, en fait. 12. Comparé à l'armée de singes. En fait, derrière, il y a l'énorme armée. Ils vont se faire latter. Ils ont juste tué la première. Est-ce qu'on parle du personnage du puceau, enfin le gamin? Le petit gamin. Alors, le gamin insiste en fait pour être en première ligne, parce que si tu veux, en grosso modo, il y a une ligne d'humains qui sont censés attirer les singes. Et en fait, le gamin insiste pour être en première ligne, et Wahlberg lui dit non, tu resteras derrière, on a besoin de toi, et en fait, il insiste. Et il y a une scène de suspense, parce qu'au moment où les singes chargent, les humains donc font marche arrière, et lui, son cheval fait un malaise vagal, en fait. Il est en mode veille, en fait. Et non, du coup, mais Mark Wahlberg vient de sauver. On n'a pas assez parlé de la malnutrition. Des chevaux dans ce film. Ouais, c'est vrai. C'est le seul cheval au monde qui se relève pas quand il tombe, quoi. Tu vois, c'est ça. On a jamais vu ça. Il faut Mark Wahlberg pour le relever, tu vois. Le mec, en plus, il revient même pas avec le cheval. Lui, il part en courant derrière. Ouais. Tu vois, il pourrait monter dessus. Il fait, on monte à deux, c'est un cheval. Ouais. C'est bon, tranquille, je me suis dit, en fait, quand il part en marchant, je me suis dit, ok, il va relever le gars, et puis après, il va revenir à pied, il va mourir. Bah, en fait, c'est surtout que c'est Mark Wahlberg qui va le chercher, mais c'est celui qui est le plus loin, en fait, de ce qui est en train de se passer. Il pourrait trop y avoir, enfin, une des personnes qui était à côté du gamin qui fait. Puis c'est le mec le plus important, en fait, je veux dire, c'est pas à lui d'y aller. Oui. Donc après, alors, vraiment, bon timing, parce qu'ils vont se faire latter par tous les singes. Et là, il y a le petit vaisseau du singe de départ qui avait disparu dans et la tempête. Ça, c'est cool. Et maintenant, je trouve ça normal. Alors, lui, par contre, il se crache pas. Hein. Lui, il atterrit. Mark Wahlberg, il se crache parce que c'est un humain. Il fait la réflexion. Mais alors, le singe complètement con qui fait des leviers. Non, mais par contre, je sais pas si. Atterrissage parfait, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué un petit détail. Je pense qu'il y a dû avoir un échange culturel Erasmus entre la planète des singes et le Pays Basque. Parce qu'en fait, les singes se battent avec des schistéras qui envoient des boules de feu. C'est leur seule arme. Tu sais, ils ont pas d'épée, de javelot. Non, ils ont des schistéras, quoi. Ouais, oui, ah oui, ah oui, par rapport aux Romains, ils peuvent pas forger. Alors si, ils peuvent forger les étoiles de ninja parce que ils tuent avec deux étoiles de ninja, exactement. Ils ont pas d'épée. Donc là, le singe, il arrive. Le singe ne parle pas, donc en fait, je comprends pas trop parce que le général, il pourrait faire tout un pipeau en disant oui, bah voilà le messie, blablabla. Alors le singe, il faut expliquer que c'est le singe de Wahlberg en fait qui perd au début. Hein, c'est ça. Qui arrive. Moi, je n'ai rien compris. D'un seul coup, c'est la paix. Non mais d'un seul coup, le général, il est méchant. Greg, tu vas m'expliquer, je n'ai rien compris. En fait, le singe arrive. Il y avait une prophétie comme quoi Samos, ou je sais plus comment il s'appelle, Samos 66, devait revenir. Seamers. Devait revenir sur la planète des singes. Et il se trouve que quand il arrive, le singe arrive, il y a un truc qui arrive, les apes n'ont jamais vu ça. Et du coup, ils sont tous subjugués, genre, c'est le retour du Messie. C'est le retour du Messie, ouais. Mm-hmm. En fait, il arrive, mais c'est parce qu'il y a une faille spatio-temporelle, ou je sais pas ce qui se passe, mais il arrive, en fait, au un trou noir, tu veux dire. Non, c'est pas un trou noir, attention. Ouais, il y a un bail dans l'orage interstellaire. Ouais, ça déconne. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que tous les singes le prennent pour le Messie, ils se mettent à genoux, tout le monde s'arrête et regarde ce singe qui arrive. Et sauf que quand le truc s'arrive, quand le truc s'ouvre, et ben notre héros il fait wesh, c'est mon singe. Et c'est le Messie, et lui il arrive, il prend le singe et il le prend dans ses bras, et ça choque personne en fait que l'humain prenne le Messie dans ses bras, quoi. Ouais. Tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Non, mais, et surtout tout le monde le laisse faire, parce que tu vois, c'est ce que je te dis. Imagine, t'as des vrais contes fanatiques dans les singes, c'est possible, hein. Je suis pas raciste, encore une fois, je le dis, j'ai des potes singes. Imagine, il arrive, il chope le singe primate. Mais attends, mais tu te fais latter, t'as forcément un taré qui fait ouais, qu'est-ce que tu fais avec mon putain de ouais, tu touches à mon Messi, quoi. Tu touches à mon Messi. Et on parle pas du footballeur encore. Et je suis pas raciste. Bon, bref, après le primate, Mark Wahlberg et le méchant, eux ils s'isolent de l'armée. Alors l'armée, on est passé de 300 000 à 300 à peu près. Et là il y a une baston entre les deux. Ouais. Moi, j'ai rien noté sur cette baston, à part que c'est de la merde. Et ici, j'ai noté balle rebondissante. C'est une baston, quoi. Bah, finalement, il finit par se piéger lui-même dans une espèce de sas, voilà. Et il peut plus tirer. Et qu'est-ce qu'il redevient? Il n'y a pas une très belle image à la fin? C'est quand il redevient un singe. Parce que c'est quoi un singe? Ben, c'est quelqu'un qui se recroqueville. Non, mais l'image, elle est grossière, quoi. Donc bon, après c'est la paix. Alors pareil, d'un seul coup, tout le monde est. Tout le monde comprend l'origine du monde. En fait, c'est ça qui est fabuleux dans ce film, c'est que tout le monde comprend que. En fait, on leur a menti sur leur dieu, que leur dieu n'est pas un dieu et que leur dieu descend des humains, qu'il était un esclave. Des humains, il est arrivé là par hasard. C'est ça qui est bien dans le film. Je suis désolé. Le seul film où j'ai vu une paix qui arrivait aussi vite après une guerre, c'est la pub pour Apéricube. C'est-à-dire que là, en deux secondes, ils se massacraient. Il y a lui, et après ils font. Bah c'est bon alors, c'est les bails en fait. Ouais bah c'est bon. Non, ouais, ça... grande fête ce soir. Non mais c'est n'importe quoi. Et sinon on en parle de l'anachronisme de l'aspirine ou on en parle pas? Bah oui. Parce que c'est vraiment ce qui m'a achevé, quoi. C'est juste que le singe lâche, là, Paul Giamatti, propose une aspirine en fait à la fin, comme normale. Enfin, bah oui, non mais je jure. On a du mal à faire du feu, mais on va filer des aspirines, quoi. Enfin, ça me paraît logique. C'est là, j'avais pas vu non plus. Mark Wahlberg, il va se barrer parce qu'il fait bon assez. Alors, maintenant que j'ai fait la paix sur cette putain de planète et que j'ai deux gonzesses, je vais quand même rentrer, je sais même pas où. Parce qu'en plus, son idée, c'est de re-rentrer dans le truc spatio-temporel. Non, mais là, tu prends les risques de dingue et tu vas arriver en 2475. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il repart donc dans son vaisseau spatial, mais sans casque cette fois-ci. C'est limite s'il se barre pas en Twingo. Attends, donc juste avant, il fait un bisou à la singe et un bisou à Shakira. Un peu plus cool pour Shakira quand même. Bon, ça, je peux l'expliquer. Ça pour le coup, ça m'a fait hurler. J'ai pensé à toi. Au moment de partir, il fait deux bisous aux gonzesses. Et là, il se tourne vers les kids et les singes et il fait un salut Marine. Et les singes, ils font aussi un salut Marine. Ouais, genre, mais c'est normal, au revoir soldat. Tu sais, genre tout le monde le connaît, le salut américain. Je sais pas pourquoi il s'évertue à faire des trucs comme ça. Et la fin. Alors en tout cas, la fin est cool. Non, je suis désolé. Alors là, on va demander à Greg. Moi, je veux l'explication. Moi, je veux expliquer. Je n'ai rien compris. Comment ça, vous avez rien compris? Donc, en fait, cette fin, pour moi, ma version de la fin, c'est qu'il est encore plus loin sur la même planète, enfin plus loin dans le temps, donc plus tard. Impossible. Non. Et que, alors, moi, je vous explique pourquoi. Parce que pour moi, Tade, il est pas mort. Et c'est lui, parce qu'il y a écrit sur l'inscription de la statue, il y a écrit merci à Tade, notre, enfin voilà, en mode Abraham Lincoln, donc le méchant. Donc ouais. Pour moi, c'est le méchant qui s'est échappé, qui les a tous butés et qui a repris le contrôle de la planète. Et il est genre beaucoup plus tard dans la civilisation. Pour moi, c'est ça. Oui, mais sauf que. Mais faut quand même. Mais sauf que là, qu'est-ce qui se passe en fait Oui, voilà. En fait, il revient sur une planète qui croit être la Terre. Enfin, on imagine. Et en fait, c'est les singes qui sont dominants, quoi. Qui sont. Ouais. Moi, alors, je trouve que cette fin, il peut y avoir des millions d'interprétations. Alors, ou c'est Sliders, les mondes parallèles. Et dans ce cas, il y a plusieurs réalités alternatives sur plusieurs planètes différentes. Tu peux avoir plein d'explications. C'est la seule et c'est la plus nulle parce qu'en fait il y a même pas de jeu avec le voyage dans le temps. Moi je préfère mon explication comme quoi le méchant est pas mort et c'est lui qui a repris. Attends, les deux sont valables. Mais vous préférez quoi, qu'il rentre sur la planète Terre et qu'il retrouve sa femme? On a mal expliqué. Il arrive en vaisseau, donc il tombe. En gros, il arrive en vaisseau en plein milieu de l'espace. Son vaisseau lui indique la Terre. Donc là, pour le coup, c'est bien la Terre. Il va sur la Terre. C'est pas une planète. La première, c'était une planète. Là, il va sur la Terre. Il se crache. Pas de bol, ou plutôt du bol. Il se crache sur le Capitole. C'est-à-dire, tu pourrais te cracher en plein milieu de l'océan ou dans un désert, dans le désert de Gobi. Non. Il arrive sur le Capitole. Du coup, il sort de son vaisseau. Il est nez à nez avec la statue d'Abraham Lincoln assis sur son fauteuil. Bah, et en fait, c'est pas Abraham Lincoln, c'est Ape Abraham Lincoln. Oui, mais c'est le méchant. Il y a écrit en dessous, son nom, il y a tout écrit. T'imagines l'évolution technologique? Ça veut dire que le gars a encore en vie, il devient Abraham Lincoln. Mais c'est un saut de 1600 ans technologiquement pour eux, quoi. Ils sont beaucoup plus malins que nous, les singes, pour le coup. Il y a des mondes parallèles, c'est tout. L'explication, c'est surtout qu'à mon avis, il avait envie de faire un 2 après, non? Oui, alors d'ailleurs, ils ont le 2, enfin, ils avaient tous signé pour le 2, et en fait, l'accueil critique a été tellement mauvais que le 2 a été annulé. Ah bon? Ouais, oui. Et même demander. Tim Ross lui-même dit qu'il a toujours pas compris la fin de ce film, en fait. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est juste à chier. Non, mais bon. Ouais, c'est pas à chier, le seul point positif, c'est une petite anecdote sur cette dernière scène, c'est que les casques des singes de police. Et ben en fait c'est les casques de Starship Troopers qui ont été réutilisés et c'est pour ça que d'ailleurs ça leur va pas du tout. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon bah voilà. Bon. Bah voilà. Non mais c'est surtout très bien. Moi je trouve pas ça si nul franchement. Bon, mais j'arrête de. Moi je me suis ennuyé quand même. Je me suis assez ennuyé sur ce film. Moi je me suis turbo fait chier. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant fait chier devant un film. C'était l'enfer. En fait ça aurait mérité d'être coupé de vraiment genre une demi-heure. Enfin facile quoi. Un peu comme ce podcast, tu veux dire? Non, mais si, tu vois, surtout, j'aime bien le, tu vois, ouais, il n'y a pas d'image de synthèse. Bah, il y a un moment, en fait, il faudrait peut-être en mettre, quoi. Parce que là, tu mets pas le pognon pour faire les décors et tu mets pas le pognon dans les images de synthèse. Bon, bref. Ouais. Un enfer. Bon, c'était notre avis. Hein? C'est ça qu'on dit à ce moment-là. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Alors, les commentaires Allociné et Amazon, 5 étoiles de gens qui ont adoré le film. De gens qui ont. Alors, on a Yalmand qui nous dit « Mais quel film ! Quelle moralité ! Tim Burton nous offre encore une fois une moralité incroyable ! J'aime ce monsieur. Il est pour moi un des meilleurs réalisateurs au monde. Il est génial. C'est un génie. Ce monsieur, un génie ! Il dit « Achetez le film et regardez-le. Vous en sortirez plus intelligent, croyez-moi. » Bah Greg, voilà. Moi je te trouve plus malin que d'habitude. Voilà comme un singe. Bon. Un visiteur qui lui dit chef d'œuvre. Ce film pose les bonnes questions. On met nous les hommes des singes en cage alors qu'on a parfois 98% de nos gènes identiques. Parle pour toi, ne chéquez. Encore un visiteur qui lui dit je viens d'Angleterre où j'ai pu assister à une avant-première des singes de Tim Burton. J'ai beau chercher, je ne trouve pas un seul défaut. Le film est bien mieux que l'original. Monsieur Burton a fait très fort cette fois-ci. Et sur la note de, sur 20, je mettrai la note de 22. Oh, bon, très bien. Ouais, ok. Mm-hmm. Alors, on en a un. Alors, par contre, lui, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Hein. Vous allez m'éclairer parce qu'il fait. Mais oui, dans toutes ces critiques, je ne trouve aucun commentaire sur le roman de Pierre Boulle. Dommage. Car si tout se passe aussi vite, dans une paire d'années, les primates deviendront aussi puissants qu'un simple T-Rex. Alors peut-être que cette planète des singes se trouve tout près du Costa Rica. Oh, excellent. Non, il parle de Jurassic Park. Oui. Excellent. Il finit quand même par... En fait, j'ai absolument rien compris à ce film. Un dernier ? Encore un visiteur, j'en ai deux, je suis désolé. Ok. Ah, encore cool. Un. Celui-là m'a fait rire parce que je trouve ça assez vrai à la fin. Il dit « Le scénario est très bien, il est différent du vieux film, il est plus cohérent et ne comporte pas de blanc, les décors et effets spéciaux sont très bien. Le seul défaut est peut-être que les singes femelles qui ressemblent à Michael Jackson. C'est vrai que les singes femelles ressemblent à Michael Jackson, non ? J'ai dû mettre un jingle parce que c'était vraiment violent pour Michael, quoi. Et enfin, le dernier. Moi, je préfère Michael Jackson aux singes femelles, enfin, qu'on s'entende bien. Hein. Ce qui n'est pas le cas de Greg, visiblement. Mais... Il dit pour les gens, un dernier, hein, le dernier qui dit, pour les gens qui aiment se moquer les Américains, allez voir le dernier film américain réalisé par un Américain qui se moque intelligemment des Américains. Pour toutes les personnes qui ont l'habitude de se laisser guider par les films sans jamais mettre en marche leurs neurones, avant la fin, n'y allez pas, à part si vous faites meuh le matin en vous réveillant. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur La planète des singes de Tim Burton. Si vous avez des commentaires, des réactions, notre Twitter, @2_HDP. Sinon, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine alors. J'espère que tu l'aimeras autant que celui-ci. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Je suis là, je verrai.